On va parler avec Éric Paquette. Les Gaillards de Jonquière débutent leur série en fin de semaine. Salut Éric. Salut, ça va bien? Ça va bien Éric. Effectivement, en fin de semaine, vous jouez votre premier match. Exactement, on joue à la maison en plus. Contre Collège Saint-Lambert, c'est ça? Oui, ben c'est Champlain-Saint-Lambert, qui Champlain est une école, Saint-Lambert, oui. une école sur la rive sud de Montréal. OK. Quel genre d'équipe que c'est? C'est sûr que vous ne les avez pas rencontrés. Vous êtes à la maison. Vous avez certainement eu des films, par contre. Oui, ben. On a quand même eu pratiquement toutes les vidéos de cette année, mais effectivement, c'est une équipe qu'on n'a pas jouée depuis 2016, la dernière fois qu'on les a jouées. C'était justement en finale du Bol d'Or 2016. Donc, Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de chemin de fait depuis ce temps-là. Dis-moi, exactement. de ce que tu as vu chez les films, quel genre d'équipe que c'est? Ben, c'est une équipe qui est extrêmement explosive au niveau de la passe. OK. Ils ont deux receveurs surtout qui sortent un petit peu du lot. Écoute, leur corps arrière en 7 matchs est au-dessus de 2200 Oh, verges par la passe. OK. C'est de loin l'équipe la plus aérienne puis la plus productive en tout cas au niveau aérien qu'on va avoir affronté cette année. Donc, on s'attend vraiment à un jeu qui va être dans les airs. Okay. Je pense pas qu'ils vont faire changement. Puis 10% de leur production au niveau des verges cette année était au niveau du sol. Fait qu'on s'entend qu'ils vont y aller avec leur force. Je penserais pas qu'ils vont tout changer puis qu'ils vont arriver ici avec un gros jeu au sol. On s'en attend. Par contre, ce sont des très bons athlètes. Le corps arrière bouge très, très bien dans la pochette. C'est un gars qui est très calme. Il a l'air extrêmement mobile. Fait que ça va être un gros défi. Ça va être un bon match. OK. Si on parlait du côté de l'équipe, bonne fin de saison. Vous avez eu de la misère, je pense, en fait. C'est 3 défaites, 2 contre la Beauce qui était invaincue. Est-ce que c'est une équipe qui est prenable? Est-ce que c'est une équipe quand la Beauce ou c'est vraiment dominant? Ben là, si on parle de nous, notre saison, on a quand même eu nos 3 défaites dans nos 6 premiers matchs. Puis depuis ce temps-là, on pratique bien, on exécute bien, puis on joue bien depuis ce temps-là. Fait que OK. ça a été une bonne chose pour nous. Est-ce que la Beauce est intouchable? Non, il n'y a aucune équipe qui est intouchable. Moi, je me souviens 2006, alors qu'on s'était rendu en finale contre Lévis-Lauzon, qui était une équipe qui était invaincue à ce temps-là de l'année. Qui gagnait en moyenne leur partie, c'était 40-6. Et puis, on est allé le jouer un tour en finale. Une équipe mal préparée, ça arrive à n'importe quel moment. Puis, comparativement dans les autres sports, ben, nous, c'est pas un 2-3 ou un 4-7. Nous, c'est un match. Puis après ça, si tu connais un mauvais match, malheureusement, tu es dehors des playoffs. Puis ça peut arriver à n'importe quelle équipe. Effectivement, effectivement. Donc, j'imagine que du côté. Est-ce que l'équipe est bien reposée? L'équipe, au niveau des blessés, est-ce que ça va bien de ce côté-là? Ben, ça va, je veux dire, je pense qu'on a tous nos petits blessés, mais Ouais. je pense que vous auriez la même réponse du côté de Champlain. OK. C'est des années qui sont quand même assez longues. Puis un joueur. Est-ce que le fait que vous avez été un an sans jouer, ça a eu un impact sur les blessures? Sur la préparation physique des joueurs, oui, je crois un petit peu. OK. Parce que on n'avait pas nécessairement accès à toutes les installations sportives comme à Ouais. l'habitude. Mais tu sais, par contre, est-ce que ça affecte tout le monde? Fait que Ouais, t'es au niveau je pense de. pas que c'est plus d'un côté que de l'autre. Ça affecte OK. toutes les équipes au Québec. OK. Donc, si on faisait un peu le tour de nos joueurs du haut du lac, ça va assez bien de ce côté-là aussi, nos joueurs du haut du lac qui sont dans les Gaillards? Oui, ça va bien. Oui. OK. Ben écoute, je veux dire, on en a quelques-uns. Puis j'aime pas beaucoup de parler de joueurs en particulier. Je Ouais, mais parle c'est. plus des OK. unités. Je parle mais oui, ils vont bien. OK. Ils font ce qu'ils ont à faire sur le terrain. Puis OK. ben surtout depuis les 3 dernières semaines. OK. Parce que comme je disais tantôt, on est puis une petite différence qu'on a aussi depuis la claque qu'on a reçue en Beauce là. C'est que les joueurs ont l'air d'avoir du fun aux pratiques. OK, ce qui est important. Puis je pense, on a eu quand même un bon petit meeting après cette game-là. On a pris le temps de se parler aussi. On a eu la chance d'avoir un bail après, fait qu'on avait une semaine plus relaxe. Fait qu'on a pris le temps de tout le monde s'aligner ensemble. Puis depuis ce temps-là, la machine est repartie. Puis je pense qu'elle est partie du bon côté. Tu sais, à un moment donné, c'est vraiment quand t'as comment est-ce qu'on dit ça? Une claque d'en face, on peut Quand tu dire. vis la défaite, quand tu as Ouais. la claque, quand tu es l'adversité, c'est le mot que je cherchais. Ouais. c'est quand tu es dans l'adversité normalement que tu vois ton équipe puis tu vois la façon qu'elle est capable de sortir. Mais nous, les gars se sont regroupés puis t'sais, on avait deux choix, soit qu'on restait au sol ou soit qu'on se relevait tout le monde ensemble puis qu'on travaillait ensemble. Mais c'est ce qui s'est fait présentement. Fait qu'on est sur une bonne pente présentement. Ça va bien. Puis notre but, ben, c'est de garder ce momentum-là le plus possible. OK. Ben, on s'en reparle la semaine prochaine, Eric, ou à quelque part la semaine prochaine ou dans deux semaines. Aucun problème. L'instructeur chef des Gaillards de Jonquière, Eric.